Bonjour à toutes et à tous, je suis Ina, conseillère en style, convaincue que s'habiller, c'est s'exprimer. Vous écoutez l'émission « Le passé habille le présent ». Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble dans l'univers d'un grand couturier des années 1900, Paul Poiret. Je vous invite à me retrouver sur Radioactif régulièrement pour parler de la mode à travers le temps. Alors, la dernière fois, je vous ai raconté tout sur la vie de Coco Chanel. Cette fois, on verra justement de quelle façon Chanel a influencé sur la carrière de Paul Poiret. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que je suis allée à Paris à une exposition de Paul Poiret. J'ai vu des belles robes, des belles collections à lui et j'ai regardé un petit peu son histoire qui m'a beaucoup touchée. Donc voilà, Paul Poiret, le roi de la mode, méconnu du grand public, il est l'un des plus grands novateurs du début du XXe siècle. Paul Poiret naît à Paris en 1879 dans une famille modeste. Son père vend des tissus, sa mère fait de la couture. Très jeune, il adore dessiner et fabriquer des vêtements. Ses sœurs lui offrent un petit mannequin en bois sur lequel il imagine les robes. Et d'ailleurs, il imagine aussi les robes pour ses sœurs. Il les habille un peu. Et ce goût pour l'élégance va changer sa vie. Seulement à 18 ans, il entre comme apprenti chez un fabricant de parapluies. Puis, il montre ses croquis à de grandes maisons de couture. Son talent est vite repéré. À 19 ans, il a commencé à travailler chez Jacques Doucet, le couturier favori des comédiennes et des danseuses. Et c'est Doucet qui lui donne les clés de la vie parisienne. Puis, à ses 22 ans, il est recruté chez Vols, où il apprend les secrets du métier. Vols cherchait quelqu'un qui pourrait moderniser ses collections. Mais finalement, Poiret était trop avant-gardiste pour les maisons Vols. Donc, en 1903, à 24 ans, il était très jeune, il ouvre sa propre maison de couture. Et c'est là que tout commence. C'est marrant. Alors Ina, je me suis invitée dans ton émission. Hein. Je suis avec toi à tes côtés. Mais alors, ce que je trouve marrant, c'est que la dernière fois, on a parlé de Coco Chanel, issue d'un milieu modeste, qui est montée sur Paris, qui a fait des rencontres qui lui ont permis de pouvoir développer son art et qui, du coup, a fait ça très jeune. Ils ont quand même pas mal de points communs. Tout à fait. Il y a juste une petite différence qu'on va remarquer tout à l'heure. Paul Poiret était un vrai artiste. En fait, il créait et il fabriquait. C'était son goût en fait, artistique et pour élégance qui a fait développer son métier. Tandis que Coco Chanel, c'est plus, voilà, je vois, ça me plaît, je peux porter ça, ça me convient et je le fais pour moi. Donc, c'est plus terre à terre, je dirais, moins de création d'artiste. D'accord. Voilà, mais bon, ça reste quand même très beau et très... Évidemment. Ce que Chanel a fait. Voilà, donc, comme je disais, il a ouvert sa propre maison de couture en 1903 et c'est sa maman qui lui prête de l'argent. Il s'installe dans le quartier de l'Opéra. À cette époque, les femmes portent encore des corsets serrés qui les empêchent de bouger et de respirer. Oh là là. C'est ça. Terrible. Alors, en 1905, il épouse Denise, une jeune femme élégante qui devient sa muse. Ils ont eu 5 enfants ensemble, Rosine, Martine, Colin, Perrine et Gaspard. Alors, Denise porte ses créations, elle l'inspire et aussi elle accompagne dans toutes ses aventures. Waouh! Avec les enfants qui suivent. Et avec les enfants qui suivent. Oh, ça, je n'ai pas regardé s'ils avaient un petit, une petite nounou. Ça doit être. Ça doit être du boulot, rien voilà, que ça. Rien que ça. Alors, donc, Poiret, justement, veut libérer les femmes. Belle idée. Tout à fait. C'est pour ça. Il devrait entré dans l'histoire et on devrait le connaître. Hein. Elle a fait quand même une chose importante. Alors que son nom, avant de t'entendre en parler, moi je ne suis pas non plus très avertie dans le domaine de la mode, mais Poiré... C'est ça. On ne le connaît pas beaucoup, même on n'en parle pas beaucoup. Il faut vraiment faire sa recherche pour découvrir ce couturier. Et ce qu'il fait, il supprime le corset. Il invente des robes légères, fluides, inspirées des kimonos, des caftans et de l'Orient. Principe, la robe tient par les épaules et non par le corset. Mais quelle révolution! Tout à fait. On devrait le remercier. Bon, je pense que de toute façon, quelqu'un l'aurait fait. Mais quel changement pour les femmes. Paul Poiré. Alors, ses créations sont colorées, audacieuses et totalement nouvelles. D'ailleurs, il disait « Je suis un artiste, pas un couturier ». Donc, il présente sa collection de couture en 1907. Cette collection est marquée par la ligne droite et pure de robes étroites. Enfin, le corset est abandonné et le soutien-gorge est adopté. Alors, il souhaite diffuser ses modèles phares et les éterniser. Donc, il confie à Paul Irib, en 1908, son ouvrage « Les robes de Paul Poiré » racontées par Paul Irib. Mais alors attends, Paul Irib, justement, c'était l'amant de Coco Chanel. Tout à fait. La dernière fois, justement, j'ai raconté que Paul Irib, illustrateur, caricaturiste et décorateur français, en 1931, a rencontré Coco Chanel. Quelques années avant de mourir, d'ailleurs. Tout à fait. Il a participé à la création des bijoux de collection Chanel. Il voulait même se marier. Voilà, l'ironie du destin. D'abord, elle a fait un travail avec Paul Poiré et ensuite Coco Chanel. Et d'ailleurs, j'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé sur eBay l'ouvrage de Paul Poiré avec des belles illustrations des robes. Et sur eBay, le prix était à 221 €. L'ouvrage ? Cet ouvrage qui, en fait, ce sont des dessins de Paul Irib, dessin des robes, des créations de la collection de Paul Poiré de 1907. Waouh. Et les robes sont magnifiques. Hein. Mais oui, mais c'est une très belle chose, hein, franchement, à l'époque. Hein. Ah oui. Parce qu'il revient un petit peu quand même. Mais c'est ça. Mais il y a toujours la même élégance. Tout à fait. Et dans des choses qui sont simples, finalement. Finalement, sans corset, sans rien. Mais oui. Alors, Paul Poiré, avec sa femme, organise des fêtes spectaculaires dans leur maison parisienne. Poiré ne vend pas seulement des vêtements. Il crée tout un univers, un style de vie. À l'époque, les ballets russes de Diaghilev font la conquête de Paris et Paul Poiré s'inspire de ces ballets. Par exemple, le ballet Scheherazade inspire le couple Poiré. Et en 1910, ils organisent une fête grandiose qui s'appelle la 1002e nuit dans leur hôtel particulier. Ah oui, la 1001 existant déjà. C'est ça. Okay. Dans leur hôtel particulier, donc oui, ça fonctionnait plutôt très très bien. Très bien, oui. L'hôtel était très grand. Et en plus, ils avaient 300 invités costumés dans un décor enchanteur que Poiré conçoit entièrement lui-même. Alors, cette fête mémorable apporte de la publicité à sa maison de couture. En plus, Poiré voyage énormément entre la Russie, l'Espagne, le Maroc et la Tunisie. Il s'y inspire, achète des textiles et des broderies, mais aussi il organise des défilés de mode et fait sa publicité. Ah, c'était un vrai stratège de marketing. Et c'est le premier couturier français qui s'est rendu aux États-Unis et est devenu célèbre. Et c'est là-bas qu'on a commencé à l'appeler King of Fashion, le roi de la mode. D'accord, donc on est avant la guerre, là. Hein. Tout à fait. Toujours. Dans les années 1910, Paul Poiré est au sommet de la mode. Toutes les femmes riches et influentes veulent porter ses créations. Il lance même ses propres parfums en 1911. Ils appellent les parfums de Rosine. Non, ce n'était pas le poiré numéro 5. Oui. Non. Il s'est inspiré plutôt de sa fille. Donc, Rosine, c'est sa fille. Oui. Et c'est le nom de sa fille aînée. D'accord. Et c'est le premier couturier à produire les parfums. Il disait que le parfum est la prolongation de la personnalité et de robe de la cliente. Et d'ailleurs, j'ai senti les parfums de Paul Poiret quand j'étais à l'exposition à Paris. Ouais. C'est pas du tout ce que je préfère. C'est un peu fort, très fleuri, mais en même temps, quand on regarde les robes de Paul Poiret, qui sont très colorées, très fleuries aussi, il a de la cohérence et effectivement, il a la prolongation de la robe. Mmh. Enfin, du coup, on avait déjà eu cette discussion avec le Chanel numéro 5. Oui. C'est pas forcément les parfums les plus... Ceux qu'on préfère aujourd'hui, plus la discrétion. Mais c'est ça, en fait, c'est pour le prestige, c'est pour la marque, mais enfin concrètement, c'est pas extraordinaire l'odeur. Tout à fait, mais je pense qu'il y en a qui adorent aussi, surtout à l'époque, je pense qu'il fallait se démarquer un peu. Mm. Donc grâce à cette odeur, quand une femme passait devant un groupe d'hommes, on se souvenait d'elle. Alors, mais l'histoire va bouleverser son destin. En 1914... La Première Guerre mondiale éclate. Poiret est mobilisé. Pendant qu'il est au front, la société change. Les femmes travaillent, deviennent plus indépendantes et recherchent des vêtements plus simples et pratiques. Mmh. Quand il revient, ses robes luxueuses et exotiques paraissent démodées. Et alors, c'est bien sûr Coco Chanel. Mmh. Avec ses vêtements minimalistes, ses tailleurs sobres, et ces lignes droites représentent cette nouvelle époque. La grande concurrente. Alors, ils n'étaient pas amis, alors, on imagine. Non. Pas trop. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé s'ils étaient en contact. Ils se connaissaient, probablement, quand même. Elle, par contre, Coco Chanel, elle aimait bien critiquer la concurrence. Donc, elle a bien critiqué. Mais ça, c'est Coco Chanel, c'est son caractère. On sent qu'il y a une espèce d'égocentrisme aussi dans ces personnages-là, puisque Poiret, tu le disais au début de l'émission, il disait je suis un artiste. Donc on sent qu'il y a quand même peu de modestie chez ces personnalités-là, quand même. Tout à fait. D'un côté, effectivement, il avait raison. Comme je disais, il était plus dans l'art, dans la création. Il dessinait déjà depuis tout petit. Ah, dans ce sens-là, il le disait. Tout à fait. Donc, je pense que voilà, c'était pas un simple couturier, effectivement. Mmh. C'est lui qui faisait les créations. Mmh. Et donc, à juste titre, il pouvait s'auto-proclamer artiste. Tout à fait. Mmh, d'accord. Et s'inspirer comme un vrai artiste. Il voyageait pour s'inspirer. Et tout ce qu'il créait, c'était inspiré justement de l'Orient, de la Russie aussi, du ballet. Donc, oui, lui, il a le droit se proclamer. D'accord. Poiret a essayé de s'adapter à cette nouvelle époque, nouvelle mode, on va dire, mais il n'arrive pas. En 1925, à l'occasion de l'exposition internationale, il organise sur ses fonds personnels la présentation de toute sa collection, mais sans aucun succès. En plus, il a loué un bateau et il a payé les mannequins. Ouf. C'était quelque chose de grandiose, comme il faisait toujours. Sauf que là... Il n'avait pas de succès. Donc, il a tout dépensé, tout ce qu'il avait. Donc, les dettes s'accumulent, sa maison ferme. Et en plus, sa femme, Denise, le quitte en 1928. Oh là là. Et elle emporte sa garde-robe... Donc, ses créations. Donc, lui, il perd sa muse, sa collaboratrice et son mannequin. Et la mère de ses 5 enfants. En 1929, il fait faillite. Celui qui avait régné sur la mode vit désormais dans la pauvreté. Il vend ses dessins, travaille parfois comme décorateur, mais le monde de la mode l'a oublié. Non, ça doit être dur quand même. Oh, j'imagine, surtout pour quelqu'un qui a connu l'ascension. Oui. C'est ça. À cette époque, il profite pour écrire ses mémoires intitulées « En habillant l'époque ». Poiret signe un contrat avec une maison d'édition et demande une avance. Mais à peine sorti du bureau, il dépense 3/4 de la somme dans un repas luxueux dans un hôtel. Mais qu'est-ce qu'il avait, s'il lui passe par la tête, enfin. Je pense qu'il a voulu absolument de regoûter cette vie qu'il menait avant. Donc, oui. Ouais. Alors, Paul Poiret meurt à Paris en 1944. Ah oui, quand même. Presque dans l'anonymat. Pourtant, son héritage est immense. C'est lui qui a libéré les femmes du corset, ouais. Qui a compris que la mode devait raconter une histoire et qui a ouvert la voie à une vision moderne du vêtement. Aujourd'hui encore, de nombreux créateurs s'inspirent de son audace. Christian Dior, en 1950, fait l'éloge de ce grand rénovateur. Paul Poiret restera celui qui a transformé la mode en art. Même s'il a fini seul, loin de la gloire qu'il avait connue. C'était le couturier aux passions multiples. Il s'intéressait à la gastronomie, il pratiquait la peinture et il a joué la comédie au théâtre. Il était un des fondateurs de Club des 100. En fait, c'est un cercle fermé des 100, en fait, où ils se battent pour la gastronomie française. Ah, bah en même temps, s'il dépense tout l'argent qui lui restait dans un bon repas gastronomique, on comprend que c'était un amateur épicurien. Voilà, il s'intéressait bien à la gastronomie. Par exemple, Elsa Schiaparelli, une créatrice de mode issue d'aristocratie italienne dans les années 1930, le compare à Léonard de Vinci, car elle est impressionnée par la diversité de ses talents. Et d'ailleurs, c'est elle qui organise ses funérailles. Et qui les prend en charge. Tout à fait, parce que il était vraiment seul. Alors, moi quand même, de ceux qui en discutent, là, comment il est possible, déjà, on n'a pas d'argent et on va dépenser tout son argent juste pour un repas luxueux. Ouais. Une folie, quoi. C'est ça, mais je m'en suis dit, peut-être aujourd'hui aussi, il y en a certains qui font pas tout à fait ces gestes-là, mais qui dépense son dernier argent pour acheter les vêtements ou autre chose. Donc j'ai fait une petite recherche et j'ai vu qu'effectivement, ça nous arrive à tous. Ah oui. Plus ou moins, voilà. D'accord. Beaucoup moins importantes dépenses, mais ça arrive à beaucoup, beaucoup de gens. Alors, si Paul Poiret a marqué son époque par son génie créatif et ses excès somptuaires, organisant des fêtes où il brûlait des billets pour impressionner ses invités. Tiens, ça nous rappelle quelqu'un. C'était interdit à l'époque déjà, tu sais pas, Ina. C'est interdit de brûler de l'argent, évidemment. Je ne sais pas si à l'époque, ça l'était déjà. Je ne sais pas du tout, mais il se permettait de le faire. Pour voir où ça l'amenait, c'était peut-être pas la meilleure idée. Il aurait mieux fait de les mettre de côté, ces billets. Oui, c'est ça, mais à l'époque, peut-être, ça lui suffisait. Et il disait, c'était trop. Tiens, je vais les brûler. Oh, c'est fou. Mais par contre, notre société moderne a elle aussi ses propres démons de la consommation. Ouais. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus dans les salons parisiens, mais sur les écrans de nos téléphones que se joue cette quête effrénée de luxe, de reconnaissance et parfois de vide à combler. Ouais. Par exemple, en 2025, un Français sur trois a déjà acheté un produit directement sur Instagram ou TikTok. Les plateformes ont tout prévu. Boutique intégrée, paiement en un clic, crédit. Maintenant, les influenceurs sont les couturiers du 21e siècle. Ils créent des tendances, dictent des désirs et transforment l'achat en acte social. Est-ce que tu savais que 92% des consommateurs font davantage confiance à une recommandation d'influenceur qu'à une publicité classique? Non, j'en ai aucune idée. Et on voit bien sur Instagram, un influenceur qui a beaucoup d'abonnés, ce sont des maisons en fait de vêtements ou autre chose, ça dépend ce qu'il fait de la publicité, lui donne des vêtements gratuitement, des chaussures gratuitement. Oui. Qu'il s'habille, Oui, tout ça, c'est du marketing. Et tout ça, c'est, voilà, c'est la publicité. Partenariats commerciaux. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on vend bien par ce moyen. Il existe même des thérapies pour ceux qui souffrent d'oignomanie. J'ai trouvé ce mot que je ne connaissais pas. En fait, c'est un achat compulsif ou plus familièrement de fièvre acheteuse. Cette addiction, reconnue depuis plus d'un siècle, mais le vrai défi, c'est de résister à une société qui nous pousse sans cesse à consommer plus, plus vite et plus souvent. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que votre doigt hésitera sur acheter maintenant, ne le faites pas. Demandez-vous, est-ce un vrai besoin ou juste une envie passée par l'algorithme de TikTok? Voilà, et est-ce que vous ne l'avez pas plutôt dans une ressourcerie près de chez vous ou bien sur le marché? Ou tout simplement, on n'en a pas besoin. Ou simplement, on n'en a pas besoin. Il faut juste jeter un coup d'œil dans le placard. Et je me demande si Paul Poiret avait eu un compte Instagram, aurait-il fini ruiné encore plus vite? Cela dit, il a eu une carrière qui a été sûrement plus longue et plus importante. Plus créative aussi. Plus créative qu'un influenceur aujourd'hui dont on va parler 3 mois et après c'est fini. Tout à fait. Mais il est probable, comme il aimait bien acheter et dépenser, aujourd'hui on trouve tout sur les réseaux sociaux, et comme il achetait aussi les tableaux, il achetait aussi la décoration pour la maison, pour son hôtel. Il est probable que sur Instagram, on aurait pu dépenser beaucoup d'argent. Si ça se trouve, il aurait fait des paris sportifs pour aller savoir. Voilà. Notre voyage à travers l'histoire s'achève pour aujourd'hui. Je suis Ina, conseillère en style, et c'était votre mission, le passé habille le présent. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Radioactive pour un nouveau thème. Merci beaucoup Ina, c'est un plaisir d'être à tes côtés lors de ta chronique et tu nous fais voyager. Merci beaucoup. Merci.